La formation sud-coréenne Légion pour la paix et la réunification a tenu le 31 mai le 169e meeting pour la paix et la réduction des armements pour accuser les autorités d'intensification de la collusion militaire avec le Japon.